بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. نواصل أيها الإخوة في شرح أصول الإيمان. On continue, chers frères, l'explication des fondements de la foi de l'imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala. ومعنا اليوم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فتوبى للغرباء رواه مسلم. Selon أبي هريرة رضي الله عنه, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'islam a commencé étrangère. » Donc cette religion, elle était étrangère. Et elle retournera étrangère de la même façon, comme elle a commencé. « Fatouba lil ghuraba. » Alors, « Touba, Touba, les savants nous disent, c'est un arbre au paradis. » Ou alors, c'est le fait d'annoncer la bonne nouvelle du paradis. Annonce la bonne nouvelle aux étrangers. Hadith rapporté par Muslim. Ayyuha al-ikhwa, al-Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, fi awwali bi'athatihi sallallahu alayhi wa sallam, lam yu'min bihi illa al-qalil min al-nas. Oh, chers frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au début de la prophétie, quand il a été envoyé, il n'y a que très peu de personnes qui ont cru en lui. Comme on l'a vu en Sirah, wa kadhalika kama huwa madhkurun fi sahih Muslim anna Amr ibn Abasa sa'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam man ma'aka fi hadha al-amr. Et donc on a vu en Sirah, en biographie, que il y a peu de personnes au début qui ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, comme cela est cité dans Sahih Muslim, Amr ibn Abasa, il a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui demandant « Qui est avec toi dans cette religion ? Qui est avec toi ?» Il a répondu sallallahu alayhi wa sallam « Hurrun wa abd » un homme libre et un esclave. Voilà ceux qui ont cru en moi pour l'instant. Voilà ceux qui sont avec moi. Il a dit Hurrun wa abd. Un homme libre, c'était Abu Bakr. Wa abd, un esclave, c'était Bilal. Fa ha'ula kanu ghuraba. Ils étaient des étrangers. Al gharib, man huwa al gharib? Qui est l'étranger? Huwa man faraka watanahu wa ahlahu. C'est celui qui s'est séparé de son pays, hein, et de sa famille. Fahuwa fi wasati unas laysu min baladihi wala min ahlihi. Alors il est au milieu de personnes qui ne sont pas de son pays et qui ne sont pas de sa famille. Fahuwa gharib, il est étranger. Yash'uru bi annahu laysa ka ha'ula, il sent qu'il n'est pas comme eux. Wa yash'uruna annahu laysa ka mithlihim. Et eux, ils sentent que lui, il n'est pas comme eux. Alors, il est étranger. فَهَاُولَا كَانُوا فِي هَذِي الْحَالِ فِي بَلَدِهِمْ. Ces gens-là, ils étaient dans cette situation dans leur propre pays, à la Mecque, au milieu des siens, au milieu de leur propre famille. Ils étaient étrangers. وهذه الغربة أيها الإخوة قد تضعف الإنسان. Et ce caractère d'étrangeté peut affaiblir l'être humain. فلعله يسير مع الآخرين ليكون معهم. Et donc il se peut qu'il fasse comme les autres afin d'être comme eux. Et donc ce sentiment d'étrangeté peut affaiblir des êtres humains. C'est pour cela que les salafs, ils disaient souvent « Alayka bi tariq al-haq wa la taghtar aw wa la tastawhish min qillati salikin » Tu dois suivre la voie de vérité et ne sois pas dérangé, ne sois pas en manque à cause du petit nombre de personnes qui vont emprunter cette voie. Vous serez étranger, ne sois pas dérangé par ça, sois fort, reste ferme. Wa iyyaka wa tariq al-batil. Et méfie-toi de la voie du faux. Wa la tartar min kathrati al-halikin. Et ne sois pas trompé par le grand nombre de ceux qui vont tomber dans la perdition par cette voie. Et certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a conseillé Ibn Omar, comme dans Sahih al-Bukhari. Qala lahu kun fid dunya ka annaka gharibun aw abiru sabilin. Sois ici-bas comme si tu es un étranger ou un voyageur. C'est comme ça que tu dois être ici-bas. Pourquoi ? Mal ma'na la tata'allaq bi hadhihi ad-dunya. Ne t'accroche pas à cette dunya. L'étranger, quand il vient quelque part, il sait qu'il ne va pas y rester. Le voyageur, il sait qu'il ne va pas y rester. Il ne va pas s'accrocher à cet endroit. Il va prendre ce qu'il a à prendre et il part. Il ne va pas s'accrocher à cet endroit. C'est comme ça qu'on doit être concernant la dunya. On ne doit pas s'accrocher à ce bas monde. On doit se préparer, on doit prendre ce qu'il y a ici-bas pour l'au-delà. Voilà ce qu'on doit faire, ô chers frères. فَهَذَا الدِّينَ بَدَأَ هَكَذَا. Et donc cette religion, elle a commencé comme cela. C'est difficile. Thumma aslama an-nas, aslamat an-nas. Après cela, les gens se sont convertis. À partir de quel moment il y a eu beaucoup de conversions à l'islam? C'était quand? C'était après quoi? Quel engagement? Hein? Barakallahu fik. C'était après Bay'at al-Hudaybiyah. Après ça, il y avait donc après cela, excusez-moi, il y avait une ambiance, on va dire, de paix entre Quraysh et les musulmans. À ce moment-là, les musulmans ont pu se concentrer pour prêcher. Et les gens sont rentrés en islam. Ils sont rentrés en islam. ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ سَافَرَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى مَكَّةَ وَأَخَذُوا مَكَّةَ. Après cela, les croyants, ils ont voyagé à la Mecque, ils ont récupéré la Mecque, et après cela, encore plus de conversions. Encore plus de conversions à l'islam. Et ça continue. Istamarra al-amr ala dhalik hatta ba'da mawt an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Même après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça a continué. Et aujourd'hui, regardez où nous sommes, à Villerue, en France. Et l'islam continue de se propager. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين لنا امرا خطيرا علينا ان نحذره. Le prophète صلى الله عليه وسلم dans ce hadith, il nous cite quelque chose qui est dangereux dont nous devons nous en méfier. هذا الامر هو ان هذا الدين سيعود غريبا كما بدا. Cette religion redeviendra étrangère comme elle a commencé. Rappelez-vous la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. El mutamassiku bidinihi kal qabidi ala jamr. Celui qui s'accroche à sa religion, celui qui s'accroche à la sunna, est comme une personne qui tient de la braise. Une personne qui tient de la braise. Qui a déjà tenu de la braise de sa propre main comme ça? Moi non. Moi j'ai déjà vu quelqu'un poser de la braise sur une assiette et que l'assiette elle s'est cassée après. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fin, ça sera difficile. Ça sera difficile de t'accrocher à la sunna. Pourquoi? Li anna karib, tu es étranger. Tous les gens te regardent. Man haoula, qui sont ces gens? Quelle est cette pratique? Qu'est-ce qu'ils font? Wa anta tara kafrat al-mukhalifin, tu vois le grand nombre de personnes qui s'opposent à la sunna. Wa qalat al-ulama, ma'na al-islam fi hadha al-hadith ليس الإسلام المدعى. Ils disent la signification de l'islam dans ce hadith, ce n'est pas l'islam qui est prétendu. C'est-à-dire, je suis musulman, je crois en Allah, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa yakfi, ça suffit. Ce n'est pas ce qui est voulu ici. Ou l'islam ou l'haq. C'est l'islam, le vrai. La pratique de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est cette religion, c'est cette pratique-là qui deviendra étrangère. Comme vous pouvez le constater aujourd'hui, vous êtes des étrangers au milieu de peuples incroyants et au milieu des musulmans. Même les musulmans, ils vous prennent pour des étrangers. Mais qu'est-ce qu'ils nous font, ces gens, encore? Mais pourquoi? Mais ish? Mais pourquoi la barbe? Mais pourquoi si? Et pourquoi les salats à la mosquée? Mais pourquoi tu fais pas un crédit bancaire? Vous êtes des étrangers. Tu rentres chez toi, ta famille, on te blâme. Tu sors, tu vas au travail, on te blâme. Tu vas à la mosquée, on te blâme. Tu es un étranger. Tout ça pourquoi? Parce que tu aimes la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. حينما يكون الامر كذلك, lorsque la situation est comme telle et que c'est difficile, tu te dis chaque jour mais comment je vais faire? Tu te dis chaque jour c'est difficile. Rappelle-toi la fin du hadith, fatouba lil ghuraba. Bah, annonce la bonne nouvelle au ghuraba. Ou alors touba, l'arbre du paradis, donc pour les étrangers. Et donc, alhamdoulillah, nous devons rester fermes, aux chers frères, même si nous sommes étrangers chez nous. Même si on se sent comme il était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était étranger chez lui, à la Mecque, auprès de ses proches, même si on est dans cette même situation, on doit rester ferme. On doit rester ferme. Et suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fafi hadha al-hadith al-hassu ala tamassuki bi sunnati nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam wa law taghayyarati an-nas. Il y a dans ce hadith l'incitation à s'accrocher à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam même si les gens ont changé. La tataghayyar kama taghayyarati an-nas. Ne change pas comme les gens ont changé. Si eux, ils ont voulu changer, laisse-les. Mais toi, ne change pas. Et rappelez-vous les autres narrations de ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il explique « Man humul ghuraba » qui sont les étrangers. Dans une narration « Alladhina yasluhun idha fasadan nas » ceux qui restent pieux lorsque les gens deviennent corrompus. Dans une autre narration, alladhina yuslihuna ma afsad an-nas. Ceux qui arrangent, ceux qui réparent ce que les gens ont rendu corrompu. Et donc, il est important qu'on reste ferme sur cette sunna et qu'on appelle à celle-ci. On appelle les gens à la sunna. Tu te fais blâmer, ma'alish, alhamdoulillah, on continue. Et on doit rester ferme. Le hadith d'après, que nous cite l'auteur, rahimahullah, un hadith qui est aussi très connu, an Abdillah ibn Amr, radiallahu anhuma, qu'al Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la yu'minu ahadukum حتى يكون هواه تبعا لما جئت به رواه البغوي في شرح السنة وصححه النووي. Et donc selon Abdullah ibn Amr radiallahu anhuma qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: aucun d'entre vous n'aura la foi tant que ses passions, c'est-à-dire ce qu'il aime, ce qu'il désire, tant que cela n'est pas conforme à ce avec quoi je suis venu, rapporté par Al-Barawi dans Sharh al-Sunnah et authentifié par Al-Nawawi. هذا الحديث ضعفه جمع من العلماء. Ce hadith a été jugé faible par plusieurs savants ومنهم الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله. Et parmi eux, il y a, parmi les savants qui ont jugé ce hadith faible, il y a الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. في إسناده نعيم ابن حماد. Il y a dans la chaîne de transmission un rapporteur, Nu'aym ibn Hammad, et il est da'if. Il n'est pas fiable. Ce hadith-là est donc, il n'est pas fiable, il n'est pas authentique. Walakin qalat al-ulama wa ma'nahu sahih. Sa signification, elle est correcte. Sa signification, elle est correcte. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit: fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما يرحمك الله. Non, par ton Seigneur, ils ne croiront pas tant qu'ils ne t'auront pas pris comme juge des conflits qu'il y a entre eux, et que après cela, ils ne trouvent aucune gêne en eux-mêmes par rapport à ce jugement, et qu'ils se soumettent pleinement à cela. Et qu'ils se soumettent pleinement à cela. Et donc ça, c'est un rappel qu'on doit se faire aux chers frères, tout le temps. Lorsqu'on a un sujet de désaccord dans les couples, dans le commerce, au travail, dans tout ce que tu fais, rappelle-toi de ce verset, la yu'minun. Ils ne croiront pas. Rappelle-toi, souvent les gens sont accrochés à leur passion. Comme j'ai pu le constater ici, depuis que je suis revenu ici, concernant les sujets de divorce, de garde des enfants, a'oudou billah. C'est grave ce qui se passe. C'est grave. Certains n'ont pas peur de frôler la mécréance. C'est grave. Non, moi je veux pas ce jugement-là, moi je veux l'autre. Je veux l'autre. À tel point qu'une sœur, elle m'a contacté une fois en disant qu'elle voulait le divorce et elle voulait que la pension qui lui soit donnée soit déterminée par un juge ici en France. Parce qu'elle ne savait pas que la pension en islam était bien plus élevée que ce que les koufars lui donnent ici. Elle ne savait pas ça. Et donc lorsque je lui ai montré le jugement, elle a fait « Ah ! Ouais, ben on prend un jugement islamique, on prend. Ah, maintenant on prend, quand ça nous arrange. » C'est du commerce en fait. Il faut faire très attention, cher frère. Allah tabaraka wa ta'ala, il a juré « La yu'minun, fela wa rabbik » Non, par ton Seigneur, ils ne croiront pas. Et donc ça, c'est un sujet qui est très important à ne pas prendre à la légère. Dans tout ce que tu fais, il faut que tu t'efforces d'être conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on va arrêter là pour aujourd'hui. Incha'Allahu ta'ala. Waffaqallahu al-jami'a lima yuhibbuhu wa arda. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا.